Avec le cœur et les couilles, gros sans pression. Que du bon sang, ouais tu le sais, ouais mon sang. C'est un 3, c'est 9, 4 sous tension. Parce que les temps sont durs, donc tu dans le sang. Ici ça rafale, c'est 20 ans, ça fait 19 ans que je suis dans ça. Maintenant je suis lancé, toute la France je fais danser. Y'a rien pour toi aujourd'hui, t'as crié les ambulanciers. Ils veulent du joule comme à l'enseigne, des pets sur l'enseigne. Des gens ils m'ont blessé, maintenant mon cœur il enseigne. Tu peux me croiser dans les ruelles en Beverly. Dans un coin en train de fumer de la beuh couleur KX. Je suis dans une villa, on dirait que je suis à Beverly Hills. Mais demain si ça pète, t'inquiète, on connaît des gremlins. On a grandi dans la haine comme Vince. La rue a mis des potes en toll, donc surveille ton fils. A4 dans le X6 en bande organisée. Viens pas faire le voyou, le CZ va te caresser. Tu connais le CV, gros, y'a pas de traite par ici. Le son est lourd, c'est un Marseillais, un Parisien. Et ça fait bang bang pour des terrains de moula. Ça veut tout contrôler, ça mouraille dans ce boulard. Y'a le R, le J, prévient les gens. Ce soir le GTI finit sur les gens. On sent le cosmos, énergie dans ta région. C'est un 3, c'est 9, 4, c'est dans la légende. On fait danser la street comme un bang bang dans les champs. Ici ça met la cagoule pour l'argent. Flasher photo avec monsieur l'agent. Ouais, monsieur l'agent. C'est comment? C'est comment? Comment? Comment? C'est comment? C'est comment? Comment? Comment? Wesh alors. 20 cales showcase, 2 points la décaisse. Chauffé comme ton siège, 20 cares au petit déj. Les étés, vaillant sans la neige. Tes narines au tiers-fesses, suspendu comme Suarez dans Scarface. Tout le game sous le bas de caisse, d'humeur marseillaise. Calage barbecue et j'parle pas de merguez. T'as pas de tête, t'as pas de test, t'es fake comme t'as pas de tech. J'dis qu'avant aucune balance, bat les steaks, qu'elle pèse. C'est pour les hommes de mon espèce qui te lèvent comme un trans, même si t'es un tas de graisse. C'est pour les quiches t'as les plus épaisses. Hors la loi comme les élus qui la transgressent. Tu peux me voir en Cadillac à Los Angeles ou en maillot PSG clippé dans le 13. Les frérots deviennent alcooliques. Tu les verras gentils que dans une clinique. Redouté comme le Bayern de Munich. Toi t'es pas rapide donc tu communiques. Allez casse-toi, cagoulé comme un Bastien. Dois un ballon d'or comme Messi, dois Iniesta. 700 chevaux la gare, roule harakaraka. Mafia Comoria, boum, chakalakaraka. Y'a le R, le J, prévient les gens. Ce soir le GTI finit sur les gens. On sent le cosmos, énergie dans ta région. C'est un 3, c'est 9, 4, c'est dans la légende. On peut danser la street comme un bang bang dans les jambes. Ici ça met la cagoule pour l'argent.